débarque chez Watt avec mes alliés, de la pillard, plein les sables et les artères. Plus d'alcool, on ira se consoler en taguant des barthmètres. J'suis un putain de gros lard antipathique, j'ai du pilon et de la dynamite entre autres. J'écris tant que j'y arrive encore. Au pire, laisse traîner ta femme, mais pas ton litre de gnôle. On se casse le crâne et on style avec les Oscars et les disques d'or. Chaque jour, je me défonce pour l'occasion. Aucune pitié, je m'arrave ta bouteille, ensuite je t'envoie faire un tour au square. Je vois des chaînes déplorables qui pompent plus qu'un mur de VF. Des codoyères viendraient empiler du sida sur de l'herpès. Je m'en bats les couilles, tu me présentes une sale homme. Je t'emmène là où le dernier pour la rose transforme en ivresse jusqu'à l'homme. Nique sa merde, ce qu'on dira. À 3 grammes dans Bordeaux, je me comporte comme Godfroy de Montmirail. La dernière sera pour les 4, ma clique. Fast flow, inversement de syllabes. Maintenant ferme ta gueule et passe. On sent des bris, les schlags et les cailles en coste là. C'est un rouleau compresseur. Restez devant même si t'es vaillant d'os. Pas y'a 8 ans, j'grattais le même 16. J'mettais les mêmes tarifs. Le rap, c'est qu'un tiers de ma vie. J'l'ai pas fait pour qu'on me respecte. L'alcool est seconde chance, j'en abuse. J'comprends pas ce que tu dis, j'm'en contente. Siphonne des fonds de grands dans la rue. J'm'approprie l'instant avant que cette pute d'aspi me quitte. J'garde les pieds sur terre même si c'est devenu grave malsain d'y vivre. Et j'parle fort sous old nick. À coup de marqueur, dégrade le mobilier urbain sans aucun motif. J'tape une sieste quand tu pars au taf. J'passe du rap au graphe, du trou de mémoire au ragotage. Et tout ce temps passé à Piaf m'a laissé méconnaissable. Mes excuses si j'te livre une vision de façon désordonnée grave. Un de plus ou moins de moi, chaque jour j'me nique le faussaire. J'me suis pas racheté, j'ai pas non plus prié pour que Dieu me protège. J'ai l'après mais j'reste un frère de pure confiance pour mes boucles. Égaré j'me resserre un verre, mon subconscient me joue des tours. Les yeux dans le ciel, mais vif, même quand j'effrite la résine. J'fume trop de tiède, la scène si me direct sa mère, j'frite l'amnésie. J't'arviens, mais j'peux pas dire que c'est carré si j'rate les cibles. J'lâche rien, même si trois cartes, mes rêves paraissent inaccessibles. J'vais pas perdre mon temps à jouer les justiciers. J'veux que la vie paye content, pas besoin de me justifier. C'est pas mon coup d'aide, c'est cousine, j'mets des fins. Ces petits pédés voulaient me taire, c'est ce coup-ci, j'vais les vaincre. Putain de rap, j'fais le trait, c'est gros, je pourrais l'éteindre. J'monte sur la scène pour tout bête. C'est comme le room chez les teintes, ouais, là j'galère. J'repars souvent bourré quand les bars ferment. Promis bientôt, j'éclamerai 20 bouteilles dans les backstage. Putain de merde, j'nage si près du rivage pour mes frères. J'peux te laisser les traces de chevalière sur le visage. Avoir, j'ai compris la vie là. Faut la rase sous la carotte depuis le temps qu'elle trim sida. Rêve d'un palace pour la daronne. Il me faut des buis, j'ai mauf, nique tes faux paris d'amis. Un seul objectif, frère, briller comme Paris la nuit. En vrai, j'fais ça pour les galériens de ma scène. Lâche ce mec, laisse-moi pire. Ah ouais, j'm'en bats les règles, ça me plaît. Les petits stabas pour du cannabis. J'lasse pour que le bar arrive. Dans leur sac des cognacs, tu chalasses couleur canari. Beaucoup de cibles pour les genoux, j'ai vu trop de bougamo. J'ai à force de vivre au jour le jour, on s'endort plus la note. Je traîne avec mes sales tarés, ça part en couille plein de fois. Dehors trop de bike, panel, t'arrondisses nos fins de mois. Faudrait que j'arrête le shit, ça je me le suis dit plus de 20 fois. Comme plein de fois, j'pose quelques rimes au fond de ce putain de square. On maquille nos malheurs, également nos galères. Nos blessures, nos balafres qu'on voit pas au scanner. On est que locataire, c'est les gars tombent sur le palier. Du coup les mots s'alternent et ces vagrons sur le cahier. Ton conseil au carrefour, je déconseille nos remontants. Nos erreurs de parcours, mais qu'on paye au comptant. On veut laver nos mains sales, mais y'a que des bains de sang. Mettez autre pinstable pour un ciel étincelant. Le cœur est une cible, je le touche en plein centre. Tu m'écoutes en pinçant, quelques jours de printemps. Et mes cinq sens réagissent aux larmes muettes. Comprends que le rap musique, c'est pas le bal musée. On veut du cash du zèle, on rêve du cash du ciel. Quitter la grâce du guet pour la classe du 16. Mais dans l'eau, je mets des coups d'épée. Maman, si je baisse la tête, c'est que je sais que l'Eden est sous tes pieds. Envoie leur franc, envoie la vodka russe. On veut des trains, on veut que le poste casse-fuse. Fumer une clope, quitter le mois de capuche. Ça fait une troll jusqu'à la Côte d'Azur. Envoie leur frein, envoie la vodka russe. On veut des trains, on veut que le boss casse-fuse. Fumer une clope, quitter le mode capuche. Ça fait une trotte jusqu'à la Côte d'Azur. Envoie leur frein, envoie la vodka russe. On veut des trains, on veut que le boss casse-fuse. Fumer une clope, quitter le mode capuche. Ça fait une trotte jusqu'à la Côte d'Azur. Envoie leur frein, envoie la vodka russe. On veut des trains, on veut que le boss casse-fuse. Fumer une clope, quitter le mode capuche. Ça fait une trotte jusqu'à la Côte d'Azur.